Donc nous sommes Nelly et Valentina, deux stagiaires de l'INA, dans le cadre d'une formation qui s'appelle Collecter, produire, enregistrer des témoignages. Et nous souhaitons vous interviewer sur les rapports au corps et à travers les soins. D'accord. Et est-ce que vous avez une alimentation particulière ou... Non, pas spécialement. D'accord. Et est-ce que vous faites du sport? Pas du tout. Je danse. C'est le seul sport que je fais, mais sinon je pratique vraiment pas beaucoup de sport. Et vous dansez tous les jours? Je danse pas tous les jours, mais en fait j'ai une. Je suis DJ en fait. Donc ce qui fait que je suis amené à mixer relativement souvent dans des festivals ou des soirées. J'ai été amené au DJing par la danse, donc je danse beaucoup quoi. Et c'est tout le seul sport que je pratique. D'accord, ça vous tenir en forme. Ça me tient en forme, mais ça m'épuise aussi pas mal en fait. D'accord. Et par rapport à l'esthétique, est-ce que vous faites des soins particuliers, des coupes de cheveux particulières ou des soins de la peau ou... Juste de la crème hydratante. D'accord. Quand je me rase, c'est tout. Vous faites du hammam ou du... Pas du tout. Je ne prends pas le temps de soigner mon corps comme il le faudrait. Est-ce que vous achetez des vêtements particuliers ou des habits J'ai une préférence pour tout ce qui est soie et... non, je rigole. Non, pas spécialement. J'aime bien le cachemire, mais c'est tout. Et pourquoi? Parce que c'est tout doux. Mmh. Ça fait du bien à la peau. Ça fait du bien à la peau. Ouais. C'est agréable pour la peau. Mmh. Et... est-ce que... Donc, vous faites du vélo, des... Non, c'est vraiment que la danse, vous marchez pas beaucoup. Si, je marche beaucoup, mais c'est vraiment... je pratique vraiment peu de sport, quoi. Donc, je sais que c'est pas bien, mais je suis jeune, j'en profite encore, quoi. Je paierai mes erreurs plus tard. Et vous avez jamais eu, même dans votre petite enfance, un animal de compagnie? Si. Si? J'ai eu un chat, puis un chien. Donc vous vous êtes occupé un peu des... Un petit peu, de les coiffer, toiletter. Ouais. De leur donner à manger, des croquettes. Ouais. J'ai fait ça. Et vous avez eu des pratiques particulières À quel rythme, par exemple, vous leur donnez à manger tous les jours? C'était régulier? Ouais, tous les jours, ouais. Deux fois par jour? Non, c'était une fois par jour. Ouais, une fois par jour. Et vous les achetez où, les croquettes? Dans un magasin spécialisé dans le quartier. D'accord. En fait, j'ai eu un chien qui avait beaucoup de problèmes. C'était un mini-chien. C'était un teckel à poil dur. Donc vraiment ridicule, quoi. Mais très sympathique. Et il a eu 4000 problèmes de... Parce qu'ils ont des problèmes de dos, en fait, parce qu'ils peuvent pas monter les escaliers vu qu'ils sont trop longs. Et il a eu beaucoup de problèmes de... Je sais plus ce que c'était, de foie ou quelque chose comme ça. Donc, il avait des croquettes spécifiques. Hors de prix, bien sûr, mais... pour le maintenir en vie, quoi. Et c'était conseillé par un vétérinaire? Ouais, c'était conseillé par un vétérinaire. D'accord. Et il avait besoin d'autres soins particuliers, à part l'alimentation? Non. Non? C'est tout. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Je voudrais savoir comment vous êtes passé de la danse à DJ, à devenir DJ. Bon, en fait, j'ai commencé à aller très très jeune en club. Donc, même si j'avais pas l'âge légal, je faisais assez vieux pour pouvoir rentrer. Donc, ça fait que j'ai vraiment passé dès ma... Je sais pas, j'ai dû y aller la première fois vers 15-16 ans, quoi. Donc j'ai vraiment commencé à aller tôt en club, vraiment pour danser, quoi, pour me défouler. Et à force de voir des DJ, j'ai commencé à acheter des vinyles. J'ai rencontré d'autres personnes qui commençaient aussi à acheter des vinyles. Donc on a formé une association, en fait, de 5 DJ. Et on organise des événements depuis maintenant 5 ans. À Paris, en proche banlieue. Donc on a commencé à faire des fêtes avec 50 personnes, vraiment nos amis, quoi. Et là maintenant on fait des événements de 1500-2000 personnes. Donc c'est une belle progression, quoi. Oui. Et ça vous a pas manqué un peu la danse? Bah, je danse toujours, encore plus, mais ça c'est espiègle comme, comme rapport, parce que c'est le milieu de la fête, quoi. Donc tu danses, mais tu fais la fête, donc tu bois beaucoup, tu... voilà, et qu'est-ce quoi. Que vous aimez dans la danse, en fait? Je sais pas, c'est quelque chose qui se contrôle pas, que tu sens, quoi. Et qui... je sais pas, qui vient tout naturellement, en fait. Mais c'est... Je trouve que c'est un bon défouloir, en fait. Est-ce que vous avez un effet particulier sur votre corps, quand vous dansez? Non, pas spécialement. Vous sentez pas que ça vous fait du bien, physiquement? Après, ouais. Physiquement, après, ouais, bien sûr. Ça vous c'est comme... Si je danse beaucoup, j'aurais l'impression d'être allé à la piscine, quelque chose comme ça, quoi. Je vais être lessivé, physiquement parlant. Ça vous libère pas des... Bah, c'est un peu... comment dire? Si, c'est un défouloir. Quoi. J'ai peu fait de danse. J'ai commencé à faire de la danse. J'en ai fait avant un peu. J'ai fait deux ou trois ans de flamenco avant. Mais j'ai arrêté parce que ça prenait trop de temps et... Il fallait quelque chose qui bouge un peu plus, parce que c'est quand même très, très strict comme danse. Voilà. Est-ce que vous faites quelque chose pour récupérer les énergies que vous avez épuisées? Vous dormez? Je dors. Et vous dormez beaucoup ou... Bah, en ce moment, non. J'ai une grosse carence de sommeil. Là. Parce que là, par exemple, on a joué à la fête de la musique vendredi, 1500 personnes. Après, je devais jouer à Nantes ce week-end. Une fois à Nantes, on sort le samedi soir, le lendemain je devais mixer tout l'après-midi. Je suis revenu sur Paris hier soir hyper tard, je me suis levé tôt ce matin, donc c'est vraiment... c'est fatigant en fait. Après, faut bien gérer son temps, mais c'est... Ouais, la seule chose à faire, c'est des bains et un lit, quoi. Des bains? Des bains, ouais. Ouais, je suis un fan des bains. Et vous utilisez des sels Non, pas du tout. Du savon, un savon. J'utilise du savon sur gras. Je sais pas trop pourquoi, mais. Qu'est-ce que c'est un savon sur gras? J'ai tendance à avoir la peau super sèche. Donc pour pallier à cette carence de je ne sais pas quoi, j'utilise des gels douche assez gras, je sais pas trop quoi, des gels douche de bébé. Que vous achetez au supermarché ou dans non, des magasins bio? Plutôt. Pharmacie. Ouais. Et ensuite, vous avez dit que, si je ne me trompe pas, que vous utilisez des crèmes hydratantes. Ouais. Que vous achetez aussi en pharmacie. Aussi, oui. Ben, merci beaucoup. Ben, de rien. C'était très utile, c'était très bien. Je vous en prie. Donc nous avons vos coordonnées, votre mail, et on vous enverra dès qu'on aura traité l'entretien d'un point de vue documentaire, l'URL et l'adresse du blog. Ok, pas de problème. On vous remercie infiniment. Je vous en prie.